donnerais n'importe quoi pour revoir ton sourire, te serrer dans mes bras. Rien ne me ferait plus plaisir. Chacune de mes larmes, c'est un peu de toi qui revit de ton âme en nous, en toi, en moi. Juste penser à toi, tous nos souvenirs, je me rappelle de ton rire, comme si c'était hier. Chacune de mes larmes, c'est un peu de toi qui revit de ton âme en nous, en toi, en moi. T'ai promis de ne pas pleurer, mais c'est plus fort que moi. Chaque fois que je vais mal, seulement une pensée et mon sourire revient. Chacune de mes larmes, c'est un peu de toi qui revit de ton âme en nous. En toi, en quand je manque de courage, tu es là à mes côtés, tu ne me quittes pas, ancré dans le fond de mon cœur, tous les jours auprès de moi, tu me rappelles de croire en mes rêves, je te fais confiance. Je te fais confiance. Chacune de mes larmes, c'est un peu de toi qui revit de ton âme en nous, en toi, en moi. Pour toi, je chanterai pour nous, pour toi et moi. Je t'aime, je t'aime. J'aimerais que tu vois comme j'ai grandi, comme j'ai changé depuis que tu es parti. Chacune de mes larmes, c'est un peu de toi qui revit de ton âme. En nous, en toi, en moi. Ce n'est qu'un au revoir, on se reverra.